إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. On va parler dans cette assise, inshallah ta'ala, de la récompense immense qu'obtiendront les jeûneurs, inshallah ta'ala. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc mis dans ce hadith deux conditions pour se voir pardonner ses péchés passés. Il a dit: quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi, c'est-à-dire avec foi en la législation de ce mois, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré pour ses serviteurs, et en espérant la récompense, c'est-à-dire en jeûnant sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il va de soi que pour jeûner, en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons besoin de savoir également quelle est cette récompense. Quelle est la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé pour les jeûneurs. Il est venu dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala décuple et multiplie les bonnes actions de ses serviteurs de 10 à 700 fois. Puis il a dit subhanahu wa ta'ala, selon la traduction des sens rapprochés, à l'exception du jeûne, il est à moi et c'est moi qui en donne la récompense. Donc ce hadith, il nous montre un des mérites du jeûne sur l'ensemble des autres œuvres. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala s'est réservé le jeûne pour lui-même. Il a dit sauf le jeûne, il est à moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'ensemble de tes œuvres, elles sont à toi et elles te permettent de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est réservé le jeûne pour lui-même, en dehors de toutes les autres œuvres. C'est-à-dire que le jeûne, il ne sera pas exposé au compte vis-à-vis des opprimés, contrairement aux autres œuvres. Et qu'est-ce que ces comptes? Dans ce bas monde, il se peut qu'un homme soit couvert de dettes, puis que les gens à qui il doit de l'argent viennent réclamer leurs biens et qu'il le dépouille ainsi de l'ensemble de ses biens, sans qu'il ne lui reste rien du tout, ni pour lui, ni pour sa famille, et qu'il devienne alors pauvre, alors qu'il était auparavant riche. Pourquoi? Car les personnes à qui il devait de l'argent sont venues et l'ont dépouillé de l'ensemble de ses biens. Ceci est donc dans ce bas monde. Et il en est de même dans l'au-delà. Il y a des gens qui viendront au jour de la résurrection avec des œuvres semblables à des montagnes immenses. Ils auront accompli des œuvres pieuses dans ce bas monde pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces œuvres seront semblables à des montagnes. Cependant, ils viendront alors qu'ils ont causé du tort à un tel, qu'ils ont dénigré un tel, qu'ils ont médit sur un tel, qu'ils ont calomnié sur un tel, et qu'ils ont volé l'argent d'un tel, ou tapé un tel, ou autre forme d'injustice. Alors ces opprimés viendront au jour de la résurrection et ils prendront de ses hasanats. Celui-là viendra et il prendra de ses hasanats. L'autre qui l'a insulté, il viendra et il prendra de ses hasanats. Celui qui l'a volé, il viendra et lui prendra de ses hasanats. Celui qui l'a tapé injustement, il viendra et lui prendra ses hasanats. Celui sur qui il a médit, il viendra et lui prendra ses hasanats, jusqu'à ce qu'il ne lui reste même plus une seule hasana. Il sera alors jeté au feu et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il ne lui restera plus une seule hasana pour entrer au paradis. Il ne possédera plus aucune hasana, alors qu'il était venu avec des œuvres semblables à des montagnes. Mais malgré cela, tellement il a été injuste dans ce bas monde et il a causé du tort aux gens, alors ils vont lui prendre l'ensemble de ses hasanats en guise de rétribution vis-à-vis de cette injustice. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala gardera pour son serviteur le jeûne. Car le jeûne est à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne pourra donc pas être pris par ces gens qu'il a opprimés. Allah subhanahu wa ta'ala conserve donc le jeûne pour son serviteur et il le rétribue pour celui-ci. Et par ce jeûne, il le fera entrer au paradis. Ceci nous montre donc le mérite du jeûne et la récompense immense du jeûneur. Il est venu une autre explication concernant ce hadith. Et il a été dit que l'ensemble des œuvres pieuses, elles sont multipliées de 10 jusqu'à 700 fois en termes de rétribution. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset que l'on a vu hier. « كَمَثَلِ حَبَّةَ » À l'exemple d'un grain. « أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلْ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ » À l'exemple d'un grain à partir duquel ont poussé 7 épis. Et sur chaque épi, il y a 100 grains. Donc à partir d'un seul grain, on obtient jusqu'à 700 grains. Et il en est de même pour la hasana. Il en est de même pour la bonne action. Allah subhanahu wa ta'ala la multiplie de 10 jusqu'à 700 fois. Et il se peut qu'il la multiplie encore plus pour celui à qui il veut, parmi ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala. Et il se peut qu'il rajoute encore plus de sa grâce à qui il veut parmi ses serviteurs. Car comme il a dit, « Wallahu yudha'ifu liman yasha » Et Allah multiplie la récompense à qui il veut. Ceci concerne donc l'ensemble des œuvres pieuses, l'ensemble des hasanas, l'ensemble de tes bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala les décuple de 10 jusqu'à 700 fois. Quant au jeûne, sa multiplication elle n'est pas restreinte à un nombre. Mais seul Allah subhanahu wa ta'ala en connaît la récompense. Le jeûne fait donc exception en dehors de l'ensemble des œuvres. Et pourquoi cela? Car le jeûne, il fait partie de la patience. Il fait partie de l'endurance. As-sabr. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit au sujet des endurants? Il a dit subhanahu wa ta'ala, إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Les endurants recevront leur récompense sans compter, sans que cela soit limité à un nombre. Car l'endurance, son rang est éminent, son rang est immense, et il comprend 3 degrés, comme on l'a vu dans d'autres cours. La patience dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. La patience face aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la patience face aux décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que la récompense des endurants, la récompense de ceux qui patientent, c'est une récompense immense dont seul Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a fait référence à la patience dans le Coran plus de 70 fois. Car la patience a un rang immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celle-ci n'est accordée qu'à ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la réussite. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui ont enduré, qu'à ceux qui ont patienté, et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce immense. Donc les patients, ils recevront au jour de la résurrection leur récompense sans compter. Et si tu médites sur la situation du jeûneur, tu vois que l'on retrouve chez lui les 3 formes de patience. La patience dans l'obéissance à Allah, la patience face aux interdits d'Allah et la patience face aux décrets d'Allah. En effet, le jeûneur, il patiente dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il délaisse donc ses désirs et les choses qu'il souhaite. Pourquoi? Par obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il patiente sur cela. Également, le jeûneur, il patiente face aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car son jeûne, il le pousse à délaisser les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il l'empêche de commettre des péchés. Car lorsqu'il jeûne, il a une plus grande peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une plus grande crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il patiente face aux interdits d'Allah. Il ne commet pas d'interdits. Il ne prononce pas de paroles interdites. Il ne regarde pas de choses interdites. Et il n'écoute pas de choses interdites. Il s'empêche de commettre les interdits sous toutes leurs formes, car son jeûne le pousse à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et le mène à la piété. Il délaisse donc les interdits, que ce soit des paroles ou que ce soit des actes, car il sait que ces interdits entachent son jeûne et en diminue sa récompense. Il s'empêche donc de commettre les interdits quels qu'ils soient. Et ceci est une forme de patience. De patience face aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, le jeûneur, il patiente face aux décrets douloureux d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, lorsque l'homme jeûne, il rencontre lors de ce jeûne ce qu'il rencontre comme faim et comme soif et autres difficultés. Il n'y a pas de doute que la personne, elle peut souffrir de la faim et elle peut souffrir de la soif lorsqu'elle jeûne, mais il patiente sur cette douleur, car il sait que cela fait partie du décret et du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il patiente donc jusqu'à ce que vienne l'heure de la rupture. Et il se peut que l'heure de la rupture, elle soit très tard, comme durant les longues journées d'été qui sont très chaudes. Il se peut donc que le jeûneur, il ait soif ou qu'il ait faim dès le début de la journée. Mais il va patienter jusqu'à la fin de la journée, espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'a délaissé ces choses-là et il n'a patienté sur ses douleurs que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera au jour de la résurrection sa récompense sans compter. Les jeûneurs donc, au jour de la résurrection, ils recevront leur récompense sans compter. C'est-à-dire que leur récompense sera multipliée sans restriction et seul Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance de leur récompense. Quant aux autres œuvres pieuses, leur récompense est comptée. Elles sont multipliées de 10 à 700 fois, ou plus ou moins, selon les serviteurs. Et selon ce qu'il y avait comme intention dans le cœur du serviteur, et selon comment il a accompli ses œuvres. Quant au jeûne, il n'y a pas de limite à sa multiplication. Allah subhanahu wa ta'ala récompense le jeûneur sans compter. Cependant, il faut faire très attention. Ceci est seulement pour celui qui a préservé son jeûne de tout ce qui peut l'entacher et qui a espéré la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a déjà mentionné dans des assises précédentes qu'est-ce qui entache le jeûne comme péché, comme les péchés de la vue, les péchés de l'ouïe et les péchés de la langue. Donc lorsque tu jeûnes, tu dois faire jeûner l'ensemble de ton corps afin d'obtenir cette récompense immense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ce qui est venu également concernant la récompense des jeûneurs, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyam al khaliya. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Il a été dit que ce verset, il a été révélé au sujet des jeûneurs. Ceux qui se sont privés de la nourriture et de la boisson dans ce bas monde par obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont patienté sur cela. Au jour de la résurrection, il leur sera dit « Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé. » C'est-à-dire pour ce que vous avez avancé comme œuvre, comme jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala. « Fil ayyam il khaliya » dans les jours passés, c'est-à-dire les jours que vous avez jeûné dans ce bas monde. Vous avez privé vos personnes de la nourriture et de la boisson. Il vous sera dit alors au jour de la résurrection, mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Mangez et buvez agréablement maintenant. Car la récompense, la rétribution de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est semblable aux œuvres. Donc, comme vous avez privé vos personnes de la nourriture et de la boisson dans ce bas monde, et que vous avez patienté sur la faim et la soif par obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala vous a donc remplacé cela par la nourriture et la boisson au jour de la résurrection. Kulu wa sharabu hani'an bima aslaftum. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé, ce que vous avez avancé comme œuvre pieuse pour Allah subhanahu wa ta'ala fil ayyam il khaliya, dans les jours passés, les jours de ce bas monde. Et ceci est donc spécifique aux jeûneurs. Ils mangeront et ils boiront alors que les gens seront le jour du grand rassemblement affamés, assoiffés et dans la gêne. Mais les jeûneurs, eux, il leur sera dit « Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. » Ceci nous montre donc la récompense immense du jeûneur et le rang immense des jeûneurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se distingueront des autres au jour de la résurrection par cette bonne annonce. Ils mangeront et ils boiront alors que les gens seront assoiffés et affamés. Car celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui remplace par quelque chose de meilleur. Ils ont délaissé la nourriture et la boisson dans ce bas monde. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a remplacé cela par la nourriture et la boisson au jour de la résurrection. Alors que les gens seront assoiffés, alors que les gens seront affamés, pense à cela lorsqu'il est difficile pour toi de jeûner. Pense à cela lorsque tu souffres de la faim et de la soif lors des longues journées de jeûne. Pense au jour de la résurrection. Pense à ce jour où les gens seront effrayés, qu'ils seront affamés, qu'ils seront assoiffés, qu'ils seront dans la gêne et qu'il sera dit aux jeûneurs « Kulu wa sharabu hani am bima asleftum » « Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. » Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ces gens. Donc celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, lui remplace par quelque chose de meilleur. Et il en est de même pour le muhajir, celui qui émigre sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a délaissé son pays, il a délaissé ses biens, il a délaissé sa famille pour Allah subhanahu wa ta'ala et il s'est sauvé avec sa religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui remplace ici-bas par un meilleur pays que le sien. Et il lui remplacera dans l'au-delà par quelque chose de bien meilleur que cela, qui est l'entrée au paradis. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ » Et ceux qui ont émigré pour Allah, après avoir subi des injustices, nous les installerons dans une situation agréable dans la vie d'ici-bas. C'est-à-dire que dans la vie d'ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala leur donnera meilleur que ce qu'ils ont délaissé pour lui. Et le salaire de la vie dernière est plus grand encore, si seulement ils savaient. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit aussi dans son noble livre, « Ya ibadi alladhina amanu, inna ardi wasi'a. Ô mes serviteurs qui avaient cru, ma terre est bien vaste. Ceci est une orientation à émigrer sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, à faire la hijra, à quitter les terres de mécréance pour se rendre vers les terres d'islam. Ya ibadi alladhina amanu, inna ardi wasi'a, fa iyaya fa'budun. Ô mes serviteurs qui avaient cru, ma terre est bien vaste, adorez-moi donc. Puis après, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Il nous rappelle la mort. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Toute âme goûtera la mort, ensuite c'est vers nous que vous serez ramenés. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. Et quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous les installerons certes à l'étage dans le paradis sous lequel coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Quelle belle récompense est celle de ceux qui œuvrent dans le bien. الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ceux qui endurent, qui font preuve de patience et placent leur confiance en leur Seigneur. Donc le muhajir, du fait qu'il a délaissé son pays, ses biens, qu'il a délaissé ses proches, sa famille et ses amis, et qu'il s'est sauvé avec sa religion, et qu'il a émigré sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, espérant par cela la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donc donné un rang éminent. Il lui a donné meilleur ici-bas, un pays meilleur que son pays, une maison meilleure que sa maison, comme cela est arrivé aux premiers muhajirin qui ont émigré avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a accordé la ville de Médine. Et il leur a accordé des maisons très vastes dans lesquelles ils étaient en sécurité en ce qui concerne leur religion. Et ils ont tenu compagnie au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé des degrés éminents dans les jardins des délices. Ceci nous prouve donc que celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui remplace certes par quelque chose de meilleur. Le croyant, il doit donc avoir la ferme conviction de cela. Et il ne doit pas avoir peur de délaisser une chose s'il la délaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois avoir la ferme conviction que tout ce que tu délaisses pour Allah, que ce soit parmi les choses interdites ou les choses permises que tu délaisses pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que tu délaisses pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te le remplacer par quelque chose de meilleur. Si ce n'est pas ici-bas, ce sera alors dans l'au-delà. Et si tu es patient, alors tu recevras ta récompense sans compter. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ses serviteurs endurants, ceux qui recevront leur récompense sans compter au jour de la résurrection. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.